France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. C'est le week-end de l'Ascension, mais Paris n'est pas désert. En tout cas, le studio 105 n'est pas désert. Car ce matin, nous faisons la fête avec une comédienne, une chanteuse, une danseuse. Trois personnes en une seule personne qui a du coffre, qui a une voix pure, qui a de la grâce. On l'a découverte dans la comédie musicale de Michel Legrand, Le Passe-Muraille, en tout cas pour ma part. On l'a découverte aussi dans La Péricole de Jérôme Savary à Chaillot. Elle était Cathy Selden dans Chantons sous la pluie au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et depuis, Isabelle Georges, c'est son nom. Depuis, Isabelle Georges s'est démultipliée. Elle raconte la vie de Norbert Glanzberg, auteur pour Édith Piaf dans Padam Padam. Elle raconte l'histoire de la comédie musicale dans Broadway au Chanté, l'influence de la musique yiddish à Broadway dans du Shtetl à New York avec le Sirba Octet. Elle chante au Concertgebouw d'Amsterdam avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège dirigé par Faisal Karoui et monte aussi des spectacles qu'on ne voit qu'à l'étranger comme Oh là là à Londres ou au Festival d'Édimbourg. Alors qu'elle se prépare un été bien rempli, qu'elle sort un nouvel album à l'automne avec le pianiste Jeff Cohen et sera à Noël au Théâtre des Champs-Élysées, Isabelle Georges nous fait l'honneur d'accepter ce matin une carte blanche et elle est venue, comme à son habitude, avec pléthore de musiciens venus rien que pour ses yeux, si j'ose dire. À commencer par Cyril Laine au piano, Adrien Sanchez au saxophone, ténor, Samuel Domergue à la batterie, Jérôme Sarfati à la contrebasse qui l'accompagne pour ce premier morceau extrait d'une de ses comédies musicales fétiches, Victor Victoria. Show! Le jazz hot, extrait de Victor Victoria, musique Henri Mancini, un extrait d'un des spectacles d'Isabelle Georges qui s'intitule Broadway Enchanté, qui sera de retour à Bruxelles en décembre. Et c'est aussi extrait de Broadway Symphonique, le spectacle concert le 21 décembre d'Isabelle Georges au Théâtre des Champs-Élysées. Des arrangements ce matin, comme souvent, signés Cyril Laine. Carte blanche en direct sur France Musique du studio 105 à Isabelle Georges, qui sort aussi à l'automne un nouvel album. C'est un duo avec le pianiste Jeff Cohen. Un album, figurez-vous, initié ici, à Radio France, intitulé « Vienne, Paris, Hollywood », autour de compositeurs qui ont fui l'Allemagne nazie et sont partis en Amérique avant ou durant la Seconde Guerre mondiale. Voici au piano Jeff Cohen, qui accompagne Isabelle Georges pour cet extrait d'une comédie musicale composée à Broadway par Kurt Weill, « One Touch of Venus ». L'air s'intitule « I'm a Stranger Here, Myself ». Tell me, is love still a popular suggestion or merely an obsolete art? Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with this heart. I am a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him or does it bore him? I'm only waiting for my cue. I am a stranger here myself. I dream of a day, of a gay warm day with my face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask and no one understands. I don't know the tactics to use, but if you should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger here myself? Please tell a stranger, by curiosity goaded, is there really any danger that love is now outmoded? I'm interested especially in knowing why you wasted true romance is so fleshly. With what have you replaced it? What is your latest foible? Is gin rummy more exquisite? Is skiing more enjoyable? For heaven's sake, what is it? I can't believe that love has lost its glamour, that passion is really passé. If gender is just a term in grammar, how can I ever find my way since I'm a stranger here myself? How can he ignore my available condition? Why these Victorian views? You see here before you a woman with a mission. I must discover the key to his ignition. And then, if he should make a diplomatic proposition, how could I possibly refuse? How could I possibly refuse? Le doigté qui swing de Jeff Cohen au piano et Isabelle Georges. Bonjour Isabelle Georges. Bonjour Laurent. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci et vous? On est ravis de vous recevoir et surtout moi je suis impressionné par tous les artistes que vous avez fait venir autour de vous ce matin. Comment vous avez composé ce programme? En fait j'ai pensé aux gens que j'aime et que j'admire. Et il y en a quelques-uns, il y en a même beaucoup aujourd'hui. Alors, je suis très fière et je suis très heureuse qu'ils aient choisi de venir malgré le week-end prolongé, le soleil et tout ça, de venir faire partager leurs talents. Et Dieu sait s'il y en a. Alors, parlons d'abord de cet album. Je disais qu'il est né un peu à Radio France. Jeff Cohen, bonjour. Bonjour Laurent. C'est quoi l'histoire de cet album qui sortira à l'automne? Jeff, Isabelle? Vas-y. Je t'en prie. En fait, je suis allée, j'ai été conviée par Bruno Béranger, un de vos collègues, à remplacer une chanteuse allemande qui devait faire un programme autour des chansons essentiellement allemandes, mais pas que. Et j'ai rencontré Jeff à cette occasion-là. Mm-hmm. Et comme j'avais 3 jours pour préparer le programme, puisque ça s'appelle le pied levé, avec Jeff, nous avons fouillé dans les partitions qui étaient déjà prévues pour leur programme à eux, plus d'autres. Et nous avons constitué un autre programme que nous avons étoffé par la suite et qui est devenu Vienne Paris Hollywood. Voilà, c'est un coup de foudre à la fois musical, parce que la rencontre avec Jeff, c'était extraordinaire, et aussi avec les compositeurs. Parce que j'ai découvert Korngold, je connaissais Kurt Weill, mais je n'avais jamais interprété. Donc je trouvais que c'était. Oui, quand on m'a appelé sur 18 chansons, je n'en connaissais que 3. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais après. Tout le reste en 3 jours. Voilà, c'est ça. Non. On a vraiment. C'était fait au départ pour quelqu'un d'autre et on se l'est vraiment approprié. Et c'est aussi pour ça qu'on fait un disque, c'est parce que voilà, on a fait mûrir la chose. Et j'ai assisté au concert que vous avez donné au Théâtre Trévise en janvier, c'était magnifique, effectivement, on attend avec impatience cet album. Dites-moi Isabelle Georges, je disais tout à l'heure, vous savez tout faire, chanter, danser, jouer. Vous avez commencé à quel âge ? La danse classique à 5 ans. Mais ça veut pas tout faire, je sais pas. Bah si, vous savez jouer la comédie. La cuisine. Non, c'est rare. On appelle ça le triple threat. C'est-à-dire que ce sont des acteurs à Broadway qui savent faire effectivement les 3 choses. Le chant, par exemple, ça, vous avez. Alors, le chant, j'ai de la chance. Je suis née dans une famille de musiciens. J'ai une grand-mère qui faisait du piano et du violoncelle et de la musique de scène pour Jean-Marie Serrault, pour Mauclair. Et puis, j'ai une maman qui faisait du chant. D'ailleurs, je lui fais coucou, c'est la fête des mères. Moon, je sais qu'elle écoute votre émission tous les jours, enfin tous les dimanches. Donc, bonjour la maman Isabelle Georges. Bonne fête. Voilà, qui faisait du chant sacré. Et donc, la musique a toujours été à la maison. Par contre, je ne voulais pas chanter comme maman. Je voulais trouver ma voix. Et ma voix, ça a été un joyeux mélange entre le jazz de mon père et la musique lyrique de ma maman. C'est-à-dire la comédie musicale, en fait. Hein ? Pour faire un petit raccourci. Alors, vous parlez de lyrique. Votre prochaine invitée, Isabelle Georges, est une chanteuse lyrique. Ah oui. Et alors, je dois dire que j'ai un souvenir impérissable des Corégies d'Orange, où elle était, où nous étions invités, mais en l'occurrence, on faisait les balances. Et elle chantait Oblivion, avec une pianiste dont malheureusement, j'ai oublié le nom. Marcella Rogeri. Voilà. Ouais. Et c'était un moment de grâce totale. Enfin, j'avais les larmes aux yeux, j'étais complètement bouleversée. Et donc, je me suis penchée un petit peu sur la jeune femme qui est là, en me disant « Waouh !» Et donc, j'ai vraiment pensé à elle pour venir ici aujourd'hui, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Magali Léger, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc soprano, révélation victoire de la musique classique, habituée des grandes scènes de concert, d'opéra, de l'Opéra de Lyon au Lincoln Center. Et aujourd'hui, alors, vous avez accepté facilement d'interpréter un extrait de comédie musicale ? Ah, mais tout à fait facilement, avec joie, parce que moi, j'admire Isabelle, évidemment, parce que mes premières amours, c'est la comédie musicale, justement. Ah bon ? Et oui, on en parlait avec Jeff, l'opéra, c'est un peu par hasard. C'est-à-dire en prenant des cours de chant pour faire de la comédie musicale, je me suis dit, on m'a dit, vous avez une voix quand même, vous avez une voix naturelle, vous devriez travailler un petit peu, puis ça s'est fait comme ça. Et j'étais embringuée dans l'opéra, alors que vraiment, au départ, moi, c'était West Side Story, c'était Porgy and Bess, etc. Et puis tout ce que Isabelle chante maintenant. Donc c'était vraiment, quand elle m'a invitée, c'est tout de suite oui, évidemment. Alors ça sera ce matin, un extrait d'une comédie musicale qu'on connaît, mais pas très bien, qui s'intitule The Life, qui est une drôle de comédie musicale, parce que quand même, je vous explique, elle se déroule sur la 42e rue, oui, comme l'émission, le titre de cette émission, sauf que c'était dans les années 80, à l'époque où la 42e rue était vraiment très mal famée, un repère de prostituées, de droguées, de dealers. Je vous présente 2 prostituées, 2 héroïnes, interprétées par Magali Léger et Isabelle Georges. C'est le tout dernier morceau de cette comédie musicale composée par Cy Coleman, un duo intitulé My Friend, accompagné au piano par les doigts qui swingent de Jeff Cohen. Remember all the times when times were bad. You were the only friend I ever really had. Don't make me start to cry. No, don't make me say for me. I have to go. I'm not like you. I understand. The lives do Vallière, 42e rue, France Musique. En direct du studio 105, avec Magali Léger que vous pourrez voir sur scène avec l'ensemble Contraste dans un spectacle autour de Joséphine Baker, intitulé Joséphine Baker, Paris mon amour. Ça sera le 3 juin à la Grange du Cédour à Riom en Auvergne, le 5 août au Casino de Saint-Nectaire et puis en octobre au Théâtre de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Magali Léger, soprano lyrique, qui sera aussi aux Nuits Musicales en Vendée Romane cet été à Fémoreau avec l'ensemble Rosa Solis et en octobre, par exemple, au Théâtre des Champs-Élysées pour un gala Mozart. Nouvelle invitée, Isabelle Georges, une formation de jazz. Ouais. Nouvelle invitée d'Isabelle Georges, une formation de jazz qu'on connaît bien, France Musique. Sélectionnée avec bonheur par notre chaîne, Alex Dutil, Jérôme Badini, Arnaud Marlin, entre autres, à l'European Jazz Competition en 2015. Ils avaient bien choisi, car ce groupe, cette formation, a remporté cette année-là le concours. Ils s'appellent Flash Pig. Ils sont emmenés par Adrien Sanchez au saxophone ténor, Maxime Sanchez au piano. Et ce matin, ils sont en direct sur la 42e rue de France Musique pour nous proposer la reprise d'un standard de George et Ira Gershwin et Gus Kahn, Liza, All the Clouds Roll Away. Thank you. Flash Pig, Adrien et Maxime Sanchez. Mais d'abord, dites-nous, Isabelle Georges, pourquoi avoir invité ces deux frères qui sont rencontrés, enfin qui ont débuté ensemble au conservatoire? Alors, il se trouve que Adrien joue avec nous régulièrement dans Oh là là, dans Broadway. Ah non, enfin je sais plus Broadway, enfin je sais plus. Bref, il fait plein de spectacles avec nous et j'adore son talent. Et un soir, il m'a invité à voir le concert des Flash Pigs. Je sais plus où c'était, au réserve. Non. Au studio de l'Hermitage. Adrien Sanchez, bonjour. Voilà. Et c'était magnifique. Non seulement, alors ils font des reprises, mais surtout ils composent. Ils font des choses absolument extraordinaires. Je vais les laisser parler parce que c'est mieux. Déjà, j'ai commencé par appeler Adrien Maxime. C'est un truc comme ça, non? Non, je ne me suis pas trompé? Non, c'est bon. Là, c'était bon. Là, c'était bon. On verra la prochaine fois, mais là, c'est bon. Là, Adrien, là, et Maxime là-bas. Adrien, il a le saxophone ténor. Alors, normalement, vous jouez à quatre, on est d'accord? Oui, normalement, on est quatre. Il y a un batteur qui s'appelle Gauthier Garrigue et un contrebassiste qui s'appelle Florent Nice. On est vraiment un groupe, donc on aime bien. Là, on représente le groupe aujourd'hui, mais on est vraiment quatre. Voilà. C'est une commande d'Isabelle Georges, en fait. Parce que l'album, là, aujourd'hui, oui. Votre nouvel album que j'ai en main, là, qui s'appelle Flash Pig, c'est que des créations. Oui, c'est des créations. La majorité des compositions sont de Maxime. Une grande partie. Il y en a une de moi. Et il y a une reprise, un morceau qu'on a fait en hommage à un grand saxophoniste qui est décédé il y a quelques temps, qui s'appelle Ornette Coleman. Et on a des invités, Pierre de Bettman, Émile Parisien et Manu Kodja pour les citer. Et aujourd'hui, on a joué Liza. C'est Maxime qui a choisi, enfin, on s'est concerté. Ah oui, alors Maxime, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi Liza? Pourquoi un Gershwin? Alors, c'était pas un Gershwin de prime abord, j'ai pas choisi Gershwin, mais j'ai choisi un morceau qui a été écumé par les pianistes de jazz. Et d'ailleurs, vous avez pu entendre à la fin une citation d'un solo de Thelonious Monk qu'on a repris, en fait. Ouais. Donc voilà, c'est un morceau que j'apprécie beaucoup et qui a été transcendé, je trouve, par beaucoup de pianistes de jazz, dont Thelonious Monk. Et qui est donc extrait d'une comédie musicale. C'était une revue des Ixelles Folies, à vrai dire, ce morceau. Alors, Flash Pig, on vous retrouvera en concert. Vous serez, je crois, le 1er juin, là, dans quelques jours, à Élancourt, au Prisme, et puis le 20 juillet à Lyon, et vous serez également au Festival de Jazz à Mâcon. Je crois que ça sera le 21 juillet. Merci beaucoup. Retour à un nouvel extrait de votre prochain album, Isabelle Georges. Je vous laisse retourner au micro. C'est un album qui s'intitule Vienne, Paris, Hollywood, désert composé par des artistes qui ont fui l'Europe et qui sont partis donc aux États-Unis. Deux airs signés Eric Wolfgang Korngold, Tomorrow, extrait d'un film pour lequel il compose la musique à Hollywood, en 1943, The Constant Nymph, et puis pour débuter, On a Dish. Mais vous allez voir une version très différente de cette chanson, composée par Korngold pour le film La Sérénade Silencieux, un film où Korngold mélangeait le style de l'opérette et des chansons de revue des années 1920. Une version un peu différente, interprétée par Isabelle Georges et Jeff Cohen au piano. Thank you. Deux airs de Korngold. On a dit extrait du film Die Stumme Serenade et puis Tomorrow du film The Constant Nymph. Deux chansons qu'on retrouvera dans le prochain album d'Isabelle George et Jeff Cohen, Vienne, Paris, Hollywood. On poursuit cette carte blanche à Isabelle George avec l'alter ego, je crois qu'on peut dire comme ça, d'Isabelle George depuis de nombreuses années, qu'il a souvent accompagné au piano dans de nombreux spectacles et qui lui a donné aussi souvent la réplique en chanson sur scène, par exemple dans 24 heures dans la vie d'une femme d'après Steven Spike en comédie musicale ou encore dans Titanic, la comédie musicale de Maury Easton. Le voici, Frédéric Steinbrück, accompagné par Cyril Lenne, Jérôme Sarfati, Samuel Domergue, avec un autre extrait de la comédie musicale The Life. Use what you've got. When you're a hustler, there is one thing you should know. You have to hustle every day. When you're a hustler, there's no time to take it slow. Gather your suckers while you may. Monday you're hot, Tuesday you're not. And that's the reason why they say you gotta use what you've got to get what you want before what you got is gone. You gotta reach for that ring while you're on that ride. How long does the ride go on? You gotta learn every dance, return every glance while you have the chance to score. You gotta use what you've got to get what you want before you ain't got no more. clock's running on the day that you are born. It just keeps tick, tick, ticking on. There's only so much time to blow your little horn before your time has come and gone. Wednesday you're new, Thursday you're through. It happens sooner than you know. That gravy train gets mighty slow. So as I told you a moment ago, you gotta think number one, be loyal to none. If you want your sun to shine, you gotta pick up the neck and stab in the back. As long as the back ain't mine, you gotta use every friend as a means to an end. Ain't that what a friend is for? You gotta use what you've got to get what you want. So take my advice. Ils voulaient vous réveiller ce matin à 11h34 sur France Musique. Alors ils ont choisi un moment de jazz signé Cy Coleman avec, j'avais oublié de le citer, Adrien Sanchez au saxophone ténor. Isabelle Georges, vous travaillez sur combien de spectacles en même temps? Je suis halluciné, je n'arrive pas à tous les citer. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas compté. C'est marrant, c'est chouette, ça fait de la variété. C'est vrai que chaque matin, j'ai lu ça, vous écrivez chaque matin en vous levant 3 pages de ce qui vous passe par la tête. Oui. Vous continuez? Oui. C'est des idées de prochains spectacles? Comme ça, alors, vous avez 100 000 idées? Bon, parfois, c'est rien du tout. C'est juste, je me plains sur la page au lieu de me plaindre en vrai. Ah, d'accord. Et parfois, c'est un journal intime, alors? Bon, non. C'est vraiment pour nettoyer, en fait, le système avant la journée. Et donc, parfois, il y a des bonnes idées aussi. Et les idées, elles naissent comment? Par exemple, du Shtetl à New York. Par exemple, on va en parler, une comédie musicale qui s'appelle Isadora. Le TCE, le Théâtre des Champs-Élysées. Ce sont des rencontres, en fait. Mmh. C'est ce que je préfère dans ce métier. C'est que y a des rencontres, comme dans la vie. Et c'est souvent comme ça que ça naît. Parfois, j'ai une envie, et c'est moi qui vais chercher les gens pour la réaliser. Par exemple, avec Bruno Fontaine, j'ai une très très grande envie. Et puis votre prochain invité. Voilà. Et puis parfois, ce sont des rencontres, comme pour Padam. C'est au départ une commande, et puis tout d'un coup, j'ai transformé ça en spectacle, parce que quand je me suis penchée sur la vie de Norbert, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas laisser cet homme dans l'inconnu. L'auteur pour Édith Piaf de nombreuses chansons très célèbres. Oui, et puis Broadway Enchanté, c'est ici aussi. Ah oui, c'est né sur la 42e rue de France Musique. 50 minutes pour les petits et les grands sur la comédie musicale qui s'est transformée en Broadway Enchanté. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors présentez. Alors Frédéric Steinbrick, bonjour d'abord. Bonjour. Et ça, par exemple, vous allez jouer cette chanson. Oui, ça c'est dans le programme Broadway Symphonique. D'accord. Avec la prochaine sera avec l'Orchestre de Chambre de Paris sous la direction de Faisal Karoui. Au Théâtre des Champs-Élysées, avec un merveilleux quartet de jazz, avec Guillaume Nau, Gilles Barekowski, Jérôme Sarfati et David Grébille. Et c'est bien, ça groove, quoi. Et par contre, ce que nous allons entendre maintenant, c'est une création pure, signée Bruno Fontaine. Bonjour. Bonjour. Je suis trop ravi de vous recevoir. Voilà, honoré. Je suis ravi d'être là. De vous recevoir. Nous aussi. Compositeur, pianiste, chef d'orchestre, arrangeur. Vous avez accompagné Ute Lumper, Julia Migenes. Vous êtes le directeur musical d'un de mes films de chevet. On connaît la chanson et de Pas sur la bouche d'Alain René. Et vous avez été directeur musical de l'opéra de Katsu, notamment de Laurent Pelli, que j'avais adoré. Isabelle Georges, pourquoi inviter Bruno Fontaine? Vous lui faites un appel du pied, là, en direct sur France Musique? Attends, il le sait. Ça fait un moment Ça fait un petit moment qu'on a un projet, en fait. On a un projet qui s'appelle Chanson d'homme et qui, je pense, va voir le jour l'année prochaine. Voilà. On espère. Ouais. Non, ça fait longtemps qu'on rêve et qu'on fait, d'ailleurs, de temps en temps, autour d'un piano. On prend des chansons françaises et on les mélange avec de la musique classique. Et ça donne quelque chose d'assez extraordinaire. Et en plus, comme Bruno navigue allègrement dans tous ces univers-là, c'est d'une inventivité totale. Et voilà. Donc, Et on va. Et comme je vous avais donné comme commande, ma chère Isabelle, qu'aujourd'hui je ne souhaitais que de la comédie musicale, on va entendre ce que ça donne lorsque Monsieur Bruno Fontaine s'attaque à du Porgy and Bess de George Gershwin. Ça sera, je vous laisse découvrir tous les airs que Bruno Fontaine a incrustés dans ces airs, interprétés en direct au studio 105 par Isabelle Georges et Frédéric Stingbrick. Vous êtes bien sur la 42e rue de France Musique. Thank you. morning time and evening time and summer time and winter time. Morning time and evening time and summer time and winter time. It's wonderful, it's marvelous if you should care for me. It's wonderful, it's marvelous if you should care. La 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Grand merci à Bruno Fontaine pour cette création en direct sur France Musique avec Isabelle Georges, Frédéric Steinbrick. Vous avez reconnu entre autres I Love You Porgy et Beth, You Is My Woman Now, extrait de Porgy and Beth. C'est carte blanche ce matin à Isabelle Georges sur la 42e rue avec une chanson maintenant méconnue de Irving Berlin, l'auteur d'Annie Get Your Gun. Alors cette fois, c'est extrait d'un autre programme que vous proposera Isabelle Georges. Je me demande si ce sera pas en direct sur France Musique. En tout cas, ça sera le 17 juillet au Festival de Radio France Occitanie Montpellier. Un concert intitulé Happy End, une sorte de voyage, si je comprends bien, autour de la musique dont les origines sont yiddish, de Serge Gainsbourg à George Gershwin, de Jean Ferrat à donc Irving Berlin. Frédéric Steinbrick est au piano. Découvrez cette chanson méconnue d'Irving Berlin, Reaching for the Moon. Ça sera au Festival Radio France Occitanie Montpellier, Happy End, le 17 juillet à 18h. Un programme proposé par Isabelle Georges et Frédéric Steinbrick. Et maintenant, une comédie musicale dont vous n'avez jamais entendu parler et dans laquelle vous incarnerez qui, Isabelle Georges ? Isadora Duncan. La célèbre danseuse. Mon Dieu, vous allez faire des pas de danse sur scène ? Oui, oui, je vais m'entraîner. Non, j'ai une amie qui s'appelle Dominique Venta, qui est une extraordinaire chanteuse, mais qui écrit aussi magnifiquement et qui, il y a quelques années, m'avait parlé de cette histoire. Et j'ai lu ma vie de Isadora Duncan et j'ai été bluffée, pas seulement par la danseuse, mais par la femme et par l'amoureuse. Et je trouvais que c'était une femme extrêmement moderne. Et même presque en avance sur aujourd'hui, quelque part. Et donc, Dominique a commencé à écrire avec Oscar Sisto quelques chansons. Et puis, on s'est mis à écrire toutes les deux, parce qu'au départ, le spectacle était imaginé pour 20 personnes. Et puis, on s'est dit, non, on va faire quelque chose de tout petit, piano, deux voix, et on va raconter, on va aller à la substantifique moelle. Et on mélange des chansons, des musiques sur lesquelles elle a dansé, comme Liszt, Gluck, etc. Et puis des compositions originales, dont certaines de Cyril Laine, qui est là. J'en profite pour dire, Cyril fait les arrangements de tous nos spectacles. Donc ça, c'est chouette. Et il sera l'homme au piano d'Isadora. Et alors, quel genre musical vous composez ? Bonjour Cyril. Quel genre musical composé. Pour cette chanson, pour ce spectacle. Il y a des choses un petit peu dans la couleur de l'époque, parce que ça retrace sa vie. Années 20, années 30. Voilà, oui, c'est ça. Et puis, je pars souvent du texte, vraiment, ce que ça raconte. Il y a une chanson un petit peu où elle dit qu'elle n'est pas une américaine, mais on sent qu'elle est américaine quand même. Alors, on va découvrir tout de suite une chanson que vous n'avez pas composée, parce qu'il y a différents compositeurs en plus de vous, Cyril Laine, dans ce spectacle, qui s'appelle Isadora. Une chanson qui s'intitule Danser, paroles de Dominique Venta, musique Oscar Sisto. On en est où dans le spectacle, si je vous demande, Isabelle Georges, à ce moment-là ? On en est au peaufinage. On a fait une première lecture. Non, je veux dire, la chanson Danser, elle exprime quoi ? Alors, elle est face à la mer, elle vient de s'échapper du cours de danse qui est vraiment insupportable, et ça c'est quelque chose que j'ai vécu en direct, la danse classique qui verrouille tout, elle est pour la liberté du corps, et donc elle est face à la mer, et elle fait son espèce de serment. J'aime danser avec la mer comme au premier matin du monde. Je voudrais revenir en arrière et retrouver l'harmonie de l'onde comme au premier matin du monde. Danser ou ne pas être, danser. Mes bras fendent l'eau comme une aile. En chaque page j'écris un mot du langage de la danse nouvelle. En chaque page j'écris un mot. Trouver ma vérité, je réinventerai. extrait d'une future comédie musicale à venir, Isadora. Avec Isabelle Georges, le cabaret 42e rue se poursuit avec une chanson qu'a incarnée, qu'a interprétée Isabelle Georges au tout début de sa carrière. C'était au Chichester Festival. Et si le public du CIO 105 rit, c'est qu'elle s'est coiffée d'une sorte de tour Eiffel sur la tête. C'est une chanson extraite d'une comédie musicale de Cole Porter, The Nymph Errant, qui s'appelle « Si vous aimez les poitrines ». Isabelle Georges, accompagnée par Samuel Domergue à la batterie, Jérôme Sarfati à la contrebasse, Adrien Sanchez au saxophone et Frédéric Steinbrick au piano. Travelers, I've seen, said the prettiest poitrines are the ones you find in Pune. Others and these, said the Brixen Balinese, have the greatest guna guna. Spaniards maintain that the kind you find in Spain are so fair that every man tumbles. While not long ago a boy in his born, I know, simply raved about those on a crumble. Ces belles poitrines sauvages may be very fair perchance, but why should one voyeur when the best of them are made in France? Si vous aimez les poitrines, come to Gay Paris. Si leur beauté vous anime, come and call on me. I will show you how divine. Les poitrines, extrait d'une comédie musicale de Cole Porter. Et ça, c'est dans un spectacle d'Isabelle Georges qui s'appelle Oh là là, qui n'a jamais été montré en France, parce qu'il a été montré à Londres, figurez-vous, mais pas en France. Et ça sera à découvrir au Bal Blomet en octobre, en novembre et en décembre. On se quitte avec un dernier extrait du magnifique album à sortir en septembre d'Isabelle Georges avec Jeff Cohen au piano. L'album s'intitule Vienne, Paris, Hollywood. Et moi, je ne dirai qu'un mot. Play it again, Jeff. L'époque que nous vivons est pleine d'appréhension. La vitesse et toutes ses inventions, tout est en quatre dimensions. On se lasse légèrement de la théorie d'Einstein. Parfois il fait bon revenir sur terre, abandonner nos folles campagnes. Et qu'importe le progrès et tout ce qui nous reste à bâtir, les choses simples de la vie sont telles qu'on ne peut pas nous les enlever. You must remember this, a kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. Merci Isabelle Georges, merci à vos invités Magali Léger, Jeff Cohen, Samuel Domer, Bruno Fontaine, Cyril Laine, Adrien, Maxime Sanchez, Flash Pig, Jérôme Sarfati, Frédéric Steinbrick. Toutes vos dates de concert, les titres des morceaux, ça se retrouve sur francemusique.fr et vous pourrez voir 42e rue, l'émission a été filmée. Merci à la prise de son à Bruno Mourland, Dimitri Scapolan, Diana Alcide. À la sonorisation, Philippe Mercher, à la vidéo, Morgane Fougerie, Camille Garin, à l'accord du piano, Léo Duroy, attaché de production, Martine Moni, réalisation, Philippe Petit, prochain cabaret 42e rue, ça sera le 18 juin, la création en français d'une œuvre de Steven Sondheim, Compagnie.